Of time and grace, the breeze which fills your name. tiens ma voix, à celle de tes gestes, et je deviens solitaire à toi.